Chapitre 4. Nettoyage. Une fois restée seule sur la terrasse du bar, Sylphide contemple la place. Elle n'a pas de nom. Des gens passent. Certains portent en main des couffins pleins de légumes ou des baguettes de pain. Assises sur le rebord d'un petit terrain de jeu, de vieilles femmes prennent le soleil en bavardant. En face de la tour où habite Sylphide, d'autres édifices du même genre se dressent, identiques. En bas, l'espace libre est malheureusement toujours sale. Les grosses poubelles publiques sont entièrement remplies de sacs d'ordures. D'autres sacs gisent par terre tout autour. Quelques-uns, éventrés, étalent désagréablement leur contenu nauséabond. À droite de la toura se trouve un petit magasin de vêtements féminins, à côté d'un tout petit espace, en guise d'atelier, du réparateur d'appareils électriques divers. Suivent une boulangerie, une épicerie, une pharmacie, un vendeur d'articles divers, y compris des journaux, un tout petit local proposant des téléphones portables, en fournissant surtout des recharges pour ces appareils, et le bar des amis. Dans ce lieu de convivialité, hélas, la moitié du ciel, sa douceur n'entre pas, les femmes. Cette discrimination est une grosse frustration pour Sylphide. Il était habitué, durant son long séjour dans d'autres pays, à des sociétés où la présence féminine rend l'atmosphère sociale plus agréable. Face au bar, un marchand propose des légumes et des fruits avec son gros camion, placé chaque matin au bord de la route goudronnée, mais abîmé par des trous et des bosses. De l'autre côté de la rue se trouve un salon de coiffure. Deux ruelles plus loin, la mosquée et ses stridents haut-parleurs. Deux autres ruelles après, le commissariat de police. Un peu plus loin, une école primaire et un petit bureau de poste. De l'autre côté de la grande route sur laquelle débouche la rue du Chahid Zeroki Abdelkrim, 1939-1958, un martyr de la guerre de libération nationale. Dans un petit immeuble à trois étages, habitent trois familles chinoises venues travailler en Algérie. Enfin, de loin, quand le temps est beau, parvient le vent frais de la mer, rappelant d'autres horizons aux candidats à l'exil et à ceux qui en sont retournés. Sylphide voit apparaître Saïd avec sa typique démarche dandinante de canard. Chaque fois sa vue provoque de l'amertume au vieil homme. Et pourtant il s'appelle Saïd, l'heureux. Personne ne connaît son âge. 30, 40 ans. Le corps trapu, de taille moyenne. Le visage tuméfié, toujours mal vêtu. Il occupe une cavité, une espèce de trou à rats, au pied de la tour où habite Sylphide. Saïd se charge de nettoyer la place, après le passage des employés communaux qui recueillent les déchets des habitants. Il semble légèrement déficient du point de vue psychique. Dans le quartier, les imbéciles le nomment Al-Mataktak. Pas de famille, pas d'amis, seul sur cette terre, dans ce quartier. De temps à autre, des gamins tourmentent Saïd. Il trouve un stupide et méchant plaisir à lui lancer des insultes. S'il n'y répond pas, les garnements lui jettent sur la tête des cartons, des bouteilles de plastique ou autres objets. Saïd ignore ces imbéciles cruautés. De temps à autre, des voisins reprochent aux enfants leur malveillant comportement. Parfois, Saïd, exaspéré, s'éloigne de ses bourreaux. Mais l'un d'entre eux retire la ceinture de son pantalon et en frappe l'infortuné. Celui-ci se précipite vers l'agresseur pour le chasser. Toutefois, agissant de manière très gauche, il ne parvient qu'à provoquer d'autres ricanements de son agresseur et de ses complices. Encore une fois, Sylphide assiste à l'agression avec la ceinture contre Saïd. Il quitte rapidement sa table, rejoint Saïd et se dresse entre lui et les enfants. « N'avez-vous pas honte ?» leur dit-il avec fermeté, mais sans méchanceté. « Et si votre frère, votre père, était à sa place, l'auriez-vous ainsi traité ?» Les trois garnements se calment, un peu embarrassés, et s'éloignent sans répliquer. Un voisin, passant tout près, les interpelle. « Pourquoi vous comportez-vous ainsi ?» Un des gamins répond. « Pour nous distraire des tas de saletés qu'on a dans la patate. » Et l'indique son crâne. Saïd se met à ramasser les déchets traînant par terre. Sylphide note qu'il travaille les mains nues. D'un pas rapide, ce dernier va jusqu'au proche magasin d'ustensiles divers qui se trouve sur la placette. Quelques minutes après, il revient près de Saïd, auquel il tend une paire de gants de travail. L'autre le dévisage avec perplexité. « Ne crains rien, Saïd !» lui déclare Sylphide avec une extrême gentillesse. « En travaillant les mains nues, tu risques d'attraper une maladie. J'ai acheté pour toi ces gants. Je te prie de les mettre pour travailler. » Saïd, étonné, semble ne pas comprendre. Sur son visage apparaît une impression de peur. Il se met sur ses gardes, s'attendant à une mauvaise action de la part de Sylphide. « Saïd, Sois tranquille, le rassure le vieillard. Je veux simplement t'aider. L'autre le fixe encore, indécis. Lentement, Sila Finn s'en approche et de nouveau lui tend la paire de gants. S'il te plaît, prends-les. C'est un cadeau pour toi. Sarid reste immobile. Avec une précaution infinie, Sila Finn parvient à lui faire saisir les gants. Puis il promène son regard vers le sol. La quantité de déchets d'immondices est énorme. Le vieil homme cherche des yeux autour de lui, puis saisit une petite branche d'arbre traînant par terre. Il se met à balayer pour constituer un seul gros amas de déchets. Saïd le regarde, très surpris, sans comprendre. « Permets-moi de t'aider un peu, d'accord ?» propose Sila Finn. Il lui sourit. « Allez, Saïd, mets tes gants et continue ton travail. » Sans attendre sa réaction, Sila Finn balaye avec soin en réunissant ceux qui traînent par terre. Saïd le regarde, perplexe. Karim apparaît. Il est étonné de voir Sila Finn occupé à la besogne. Pressé, un couffin en main, Karim continue son chemin jusqu'à s'approcher d'une charrette de fruits au bord du trottoir. Il s'aperçoit que Omar, le marchand, observe la scène du nettoyage. Choqué, ce dernier lance avec mépris. « Voilà l'influence satanique de l'Occident. Le vieil ex-émigré prétend aider au travail. En réalité, il vise à nous mettre dans la tête des idées étrangères. » Karim préfère ne pas commenter. Le vendeur est connu comme intégriste islamiste, d'un caractère méchant et intolérant. Son expression fermée et farouche n'encourage aucunement la réplique. Karim se contente d'acheter ses produits en se limitant au minimum de paroles nécessaires. Pour le peu qu'il connaît de cet homme, Karim le juge moins à blâmer qu'à plaindre. Sa famille, très pauvre, a échoué en ville, chassée du douar par la faim. L'homme a grandi sans instruction, sans aucun métier, sans rien de ce qui nourrit positivement un cerveau. Heureusement, Omar s'est trouvé cette activité marchande. Elle lui permet de faire survivre sa vieille mère, son épouse et leurs petits-enfants. Son père est mort sans savoir de quelle maladie, par manque d'argent pour consulter un médecin. Chez ce marchand, la révolte contre la misère et l'indignation contre l'injustice n'ont trouvé de salut que dans un islam, connu dans une version haineuse et totalitaire, par l'intermédiaire de deux militants intégristes. Durant un cours d'alphabétisation en arabe, organisé par eux, Omar a appris un peu cette langue afin de lire le Coran. On lui affirma à plusieurs reprises une litanie dont il finit par être convaincu. « Dans notre Saint-Coran, tu trouveras toutes les solutions à tes problèmes, non seulement ici-bas sur terre, mais encore dans ta vie éternelle. Pour le reste, nous sommes ici pour t'instruire et t'aider, car sache-le, nous sommes tous des frères musulmans d'une même famille. Et surtout, fais attention à nos ennemis. » Ils sont partout et se masquent de toutes les manières pour nous tromper et nous dominer. Et d'abord, en prétendant être des musulmans, alors qu'ils sont des munafiguines, des renégats. Le nouvel adepte, souffrant de sa misère matérielle et spirituelle, avait un besoin vital de croire à un salut. Tel un naufragé s'accrochant à une planche, le malheureux Omar crut donc au premier nu qui sut le travailler convenablement. Considérant ce parcours existentiel, Karim conclut « Ai-je le droit de critiquer ce malchanceux ? Ne devrais-je pas plutôt en vouloir à ceux qui, moi compris, n'ont pas su lui offrir une autre solution pour sortir de sa pitoyable situation ?» Tel est Karim. Toujours à considérer s'il n'est pas responsable du malheur d'autrui. Karim ne considère pas ce trait de caractère comme un défaut de son psychisme. Simplement, dans son enfance, il constatait souvent que ses malheurs, à lui, avaient des responsables, directs ou indirects, mais ces derniers niaient toujours cette responsabilité en se drapant dans l'habituelle excuse, ce qui lui arrivait de sa faute ou de ses parents. Il n'avait qu'à ne pas le mettre au monde. Les plus hypocrites se contentaient de la sentence convenue « Tout vient d'Allah, et lui sait ce qu'il fait ». Une fois acheté des bananes, des oranges et des pommes, Karim se précipite chez lui. Tout de suite après, il ressort et rejoint Sila Finn sur la petite place. Là, il saisit un morceau de carton et collabore au ramassage d'immondices. Sila Finn lui sourit avec affection. Saïd, lui, jette un coup d'œil au nouveau venu, puis se remet à son travail sans prêter attention aux deux hommes.